Radio Sunna vous présente une intervention en direct de Oustaz Abdul Karim Abu Asim. Waffaqahu Allah. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. Après avoir évoqué ces choses importantes et en avoir fait une introduction majeure quant à l'entame de l'étude de la sira du prophète alayhi salat wa salam en amont de sa biographie, choses qui nous serviront à comprendre beaucoup d'événements par la suite, je vais évoquer sa naissance et les circonstances qui y sont liées. Tout ce que je vais citer ici est authentique. Je ne citerai pas systématiquement les sources, et ceci afin de garder le fil de l'histoire. En revanche, si un récit ou une anecdote est sujette à divergence ou est non fondée, je ne manquerai pas de la citer. Abdullah, le fils de Abd al-Muttalib, épousa Amina bint Wahb des Bani Zohra. Bani Zohra qui sont une faction de Quraysh. Tels sont les parents du prophète, alayhi wasallam. Abdullah, le fils de Abd al-Muttalib d'un côté, et Amina bint Wahb des Bani Zohra de l'autre. Abd al-Muttalib, le grand-père du messager sallallahu alayhi wasallam, était marié à Hala bint Wuhaybin. Elle est la mère de Hamza. Nous verrons plus tard, Inch'Allah, tabarak wa ta'ala, Hamza qui est l'oncle du prophète, alayhi wa sallam. Et Wuhayb, c'est-à-dire le beau-père de Abd al-Muttalib, le père de son épouse, est en même temps l'oncle paternel de Amina. Donc, on constate ici qu'il y a des liens de parenté par alliance entre les deux familles, entre les Bani Hashim et les Bani Zohra. Le messager sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais vu son père, Abdallah, car ce dernier est mort à Médine auprès des Bani Adi ibn Najjar, ses oncles maternels. Rappelez-vous, dans les cours précédents, nous avions vu que l'épouse de Hashim était Salma bint Amr. Et Salma bint Amr est une femme issue des Bani Adi ibn Najjar de Médine. Donc, Salma est la grand-mère de Abdullah, le père du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque Abdullah mourut à Médine, il fut enterré auprès des siens, auprès de ses oncles maternels. Au passage, c'est cette tribu que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, rencontrera et chez qui il passera quelques jours lors de son émigration avant de rentrer à Médine. Car en réalité, il les considéra comme ses oncles maternels. Abdullah mourut donc à Médine alors qu'il se trouvait là-bas pour le commerce. C'est sur le retour qu'il tomba malade et mourut de cette maladie et on l'enterra à Médine auprès de ses oncles maternels. Il faut savoir qu'il n'y a rien d'authentique rapporté sur les détails de sa mort. Nous avons cependant ce qu'a rapporté l'imam Abdul Razzaq dans son Musannaf selon l'imam Az-Zuhri qui est un tabi'i, et qui a rapporté sans faire mention du compagnon que Abd al-Muttalib envoya Abdullah ibn Abd al-Muttalib, c'est-à-dire son fils, avec des provisions vers Médine. Abdullah y décéda et Amina enfanta le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam quelques temps après et de ce fait le prophète se retrouva chez Abd al-Muttalib. Qais ibn Makhrama, radiallahu anhu, a dit, son père, c'est-à-dire le père du messager, sallallahu alayhi wa sallam, décéda alors que sa mère le portait encore dans son ventre. Un hadith authentique. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est donc né orphelin de père. Et ceci d'ailleurs est confirmé par le Coran. Allah dit, jalla wa'ala, Alam yajiduka yatiman fa'awa. La sourate 94, verset numéro 6. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin? Alors il t'a accueilli. Le messager sallallahu alayhi wa sallam est né dans le vallon des Bani Hashim à la Mecque. Le lundi 12 du mois de Rabi' al-Awwal, qui est le troisième mois du calendrier égyrien. Le lundi. Durant l'année dite de l'éléphant, en 570 de l'ère grégorienne ou 571, et ceci à la 40e année du règne de Kisra. Tout ceci est ce qu'il y a de plus authentique concernant la naissance du prophète, alayhi salatu wa salam, son jour, son mois, l'année de naissance. Certains savants disent qu'il est né le 9 au lieu du 12. Quoi qu'il en soit, connaître précisément la date de naissance du prophète, alayhi salatu wa salam, n'est pas de ce qu'il y a de plus important à connaître. Nous la citons ici par principe, car nous étudions la biographie du prophète, alayhi salatu wa salam. Mais en réalité, si une personne ne connaît pas le jour exact de la naissance du prophète, alayhi salatu wa salam, ceci n'aura aucun effet sur sa religion et sur sa vie future dans l'au-delà. Il n'y a que ceux qui fêtent la naissance du prophète qui attacheront de l'importance à cela, outre mesure. Et la célébration de la naissance du prophète est une innovation religieuse blâmable et réprouvable. Qais ibn Makhrama, ibn al-Muttalib ibn Abdimanaf, qui est un Bani Abdimanaf, qui est le fils de Qusay, donc ce n'est pas un Bani Hashim, a dit, Qais ibn Makhrama ibn al-Muttalib ibn Abdimanaf a dit, je naquis, ainsi que l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, l'année de l'éléphant. Nous naquîmes tous deux en même temps. Le hadith a été rapporté par l'imam Ahmed avec une chaîne de transmission qui est bonne. Plusieurs événements extraordinaires furent rapportés sur la naissance du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et ses circonstances. Beaucoup de ces narrations sont faibles et certaines mensongères. Je vais les citer ici à titre informatif et je citerai par la suite ce qui est authentique sur ce sujet. Voyons ce que rapportent les livres de Sira sur ces événements extraordinaires liés à la naissance du messager, sallallahu alayhi wa sallam, et qui ne sont pas authentiques du point de vue de la chaîne de transmission. Premièrement, la grossesse de Amina, sa mère, fut très facile et très légère. Elle n'éprouva aucune peine. Deuxième information non vérifiée ou non valide, durant sa grossesse, elle portait des amulettes faites de métal pour se protéger et ces dernières se cassaient régulièrement. Trois, elle vit en rêve la place éminente de son enfant et fut ordonnée de l'appeler Muhammad. Quatre, lorsqu'elle l'enfanta, il sortit assis, la tête levée vers le ciel. Cinq, le messager naquit sous une marmite de pierre, comme c'était de coutume chez les Arabes, et cette dernière se brisa, permettant ainsi à l'enfant de fixer son regard vers le ciel. 6. Il est né incirconcis, ou bien c'est Djibril, l'ange Gabriel, alayhi salam, qui le circoncis. 7. Des djinns, le jour de sa naissance, ont annoncé aux gens cette naissance, et des idoles dans les temples de la Mecque se cassèrent, se brisèrent. Le feu des Masdéens en Perse s'éteignit. Le niveau du lac de Sawa diminua. Les balcons du palais de Kisra s'effondrèrent. 8. Des Juifs annoncèrent sa naissance la nuit où il naquit lorsqu'ils virent une étoile dans le ciel. Voilà des narrations qui sont répertoriées ou citées dans les livres d'histoire et les livres de biographie du prophète alayhi salam, dont on n'a aucune garantie sur leur authenticité après étude de leur chaîne de narration. Sur ces faits ou sur ce fait, on ne doit pas les attribuer au prophète alayhi salam, car le prophète a dit dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari: Man kadhaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu min an-nar. Hadith mutawatir, c'est-à-dire rapporté par une multitude de rapporteurs à chaque génération. Celui qui ment sur moi délibérément, qu'il prépare déjà sa place dans le feu de l'enfer. Voyons maintenant ce qui est authentique sur sa naissance. Parmi les faits marquants, il y a le fait que lorsque Amina enfanta le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, elle vit une lumière sortir d'elle jusqu'à en éclairer les palais de Bousra au Chem, à une distance de plus de 1000 km. C'est un hadith authentique et l'imam Ibn Kathir l'a rapporté dans son livre As-Sira et l'a lui-même authentifié. De même, Cheikh Al-Albani le rapporte dans Sahih As-Sira et authentifie cette parole. Après avoir accouché, Amina envoya auprès de Abd al-Muttalib, le grand-père du messager, sallallahu alayhi wa sallam, lui annoncer la naissance de son petit-fils. Réjoui par la nouvelle, il arriva, prit le nouveau-né, l'amena dans la Kaaba, invoqua Allah et le remercia. Il le circoncit à son 7e jour, comme le faisaient les Arabes à l'époque, préparant un repas à cette occasion et lui donnant le nom de Muhammad. Nom à l'époque inconnu des Arabes. Personne ne s'appelait Mohammed. C'est un nom inédit chez les Arabes. Concernant ce que je viens de vous citer, la chaîne de transmission qui rapporte cela comporte quelques incertitudes, mais elle reste toujours plus fiable que les versions qui soulignent qu'il naquit incirconcis ou que Djibril se chargea de le circoncire. Et ceci comme l'a souligné l'imam al-Zahabi. Par la suite, les historiens ont l'habitude de citer, après avoir évoqué la naissance du prophète, alayhi salam, la période où il fut allaité, car elle vient dans l'ordre chronologique des événements juste après. La première femme à allaiter le prophète Muhammad, alayhi salam, après sa mère, bien sûr, fut Fouayba, la captive affranchie d'Abi Lahab. Elle l'allaita à un moment où elle allaitait son propre fils Masrouh. Cette femme avait déjà allaité auparavant Hamza ibn Abdel Muttalib, l'oncle du prophète Asad wa Salam, et ensuite Abu Salama des Bani Mahzoum. On peut en conclure dans ce cas que Hamza, Abu Salama et Masrouh sont les frères de lait du prophète alayhi salat wa salam. Ceci a été rapporté dans le Sahih de l'imam al-Bukhari et Muslim. On rapporte qu'Abu Lahab libéra cet esclave du fait de la grande joie qu'il éprouva suite à la naissance de Muhammad alayhi salat wa salam. Par la suite, l'enfant Muhammad alayhi salat wa salam fut allaité par une des femmes des Bani Sa'd. Alors, qui sont les Bani Sa'd? Les Bani Sa'd est une tribu arabe qui descend des Qais Aylan. Et Qais Aylan est un des fils de Mudar. Mudar, qui est l'arrière-petit-fils de Adnan. Donc, les Bani Sa'd, au même titre que Quraysh, sont des Adnaniyin, des descendants de Adnan, qui est lui-même un descendant de Ismaïl, alayhi salatu wassalam. La femme qui l'a allaité des Bani Sa'd s'appelle Halima bintu Zuwayb. L'imam al-Mubarak Fouri, dans le Nectar Cacheté, Rahiq al-Makhtoum, a dit: les Arabes sédentaires avaient coutume de chercher des nourrices pour leurs enfants pour éviter à ceux-ci les maladies de la ville, les doter d'une forte constitution et leur permettre de comprendre et parler l'arabe dès leur plus jeune âge. Ainsi, Abd al-Muttalib chercha une nourrice pour le prophète alayhi salatu wassalam et lui choisit une femme appartenant à Bani Sa'd ibn Bakr, à savoir Halima bint Zuhayb, dont le mari était Al-Harith ibn Abdul Uzza, connu par Le surnom de Abu Kabsha est appartenant à la même tribu. Il dit un peu plus loin, Halima fut la nourrice du prophète alayhi salam et de Abi Sufyan ibn al-Harith ibn Abd al-Muttalib, le cousin du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Son oncle Hamza ibn Abd al-Muttalib était aussi en allaitement chez Bani Sa'd. Sa nourrice allaita le prophète alayhi salatu wa salam, c'est-à-dire la nourrice de Hamza allaita le prophète alayhi salatu wa salam. Et c'est pourquoi Hamza et le prophète, au-delà du fait qu'ils sont liés par les liens de sang, sont aussi des frères de lait dans les deux sens, du côté de Souaïba et du côté de Halima, dont la nourrice des Bani Sa'd, de Hamza, allaita aussi en une journée le prophète Mohammed a.s.w. Donc Hamza est lié au prophète a.s.w. par le sang et par le lait, l'allaitement. Halima, al-Sa'diya, découvrit la bénédiction du prophète alayhi salam. Cela l'amena à l'étonnement et à la stupéfaction. Et elle raconta tout cela en détail. Ibn Ishaq rapporte que Halima racontait qu'un jour elle sortit de sa bourgade ou alors de sa ville ou de son village avec son mari et un enfant en allaitement, en compagnie aussi d'autres femmes appartenant à cette tribu des Bani Sa'd et Ibn Bakr, toutes à la recherche de nourrissons. C'était, dit-elle, une année difficile. Il ne nous restait rien. Je sortis sur mon ânesse blanche. Nous avions aussi avec nous une chèvre qui, par Allah, ne donnait presque pas de lait. Nous n'avions pas dormi la veille à cause des cris de faim de l'enfant que nous avions avec nous. Ce qu'il y avait dans mes seins ne lui suffisait pas, encore moins le lait de la chèvre. Toutefois, on espérait recevoir de la pluie et un secours d'Allah. Je sortis donc sur mon ânesse, qui était si faible et si maigre que les autres ânes la laissèrent derrière. Arrivés à la Mecque, nous nous mîmes à chercher des nourrissons, mais aucune de nous n'accepta de prendre le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dans la mesure où il était orphelin. En effet, nous nous attendions à des actes de bienfaisance, c'est-à-dire une rétribution de la part des pères. Un orphelin, nous disions-nous. Que peuvent bien faire sa mère et son grand-père? Voilà sur quelle base nous le détestions. Chacune des femmes qui m'accompagnaient avait trouvé un nourrisson sauf moi. Au moment de repartir, je dis à mon mari, par Allah, je déteste rentrer avec mes compagnes les mains vides. Par Allah, il me faut retourner prendre cet orphelin. Il répondit, comme tu veux, il se peut qu'Allah nous le bénisse. Ainsi, je partis prendre l'orphelin, faute de mieux, et je retournai à mes bagages. Je ne l'eus pas plutôt mis dans ma chambre que mes deux seins se gonflèrent de lait. Alors, il assouvit sa soif et se mit à dormir, ce que son frère fit aussi, après s'être rassasié, lui qui auparavant nous empêchait de dormir. Mon mari se leva et se rendit auprès de la chèvre qu'il trouva avec beaucoup de lait, dont il saisit pour traire de quoi nous permettre de boire à notre aise. Cette nuit-là, nous dormîmes bien. Au matin, mon mari dit, « Tu sais, Halima, par Allah, tu as pris quelqu'un de béni. »« Je l'espère, » répondis-je. Ensuite, nous sortîmes. Je montai alors sur mon ânesse, l'orphelin avec moi. Celle-ci était si active qu'elle dépassait toutes les autres en vitesse. Étonnés, mes compagnes dirent, « Oh, fille d'Abi Zuhayb, malheur à toi, doucement. N'est-ce pas là l'ânesse que tu avais en venant ?» Je leur répondis, « Si, c'est la même. » Alors elles reprirent, « Par Allah, il y a quelque chose de nouveau en elle. » Nous arrivâmes chez nous, chez les Bani Sa'd, la plus infertile des terres que j'eus jamais connue. Nous constatâmes cependant que nos brebis avaient du lait, alors qu'auparavant elles n'en donnaient aucune goutte. Aussi, les sédentaires de notre peuple disaient à leurs bergers, « Allez faire paître les moutons là où fait paître le berger de la fille d'Abi Zuhayb, c'est-à-dire de Halima. » Leurs moutons étaient affamés et ne donnaient aucune goutte de lait alors que les miens étaient gras, producteurs de lait. Ainsi Allah continua d'accroître nos faveurs et nos biens jusqu'au moment où Mohammed fut sevré à 2 ans, c'est-à-dire qu'il commença à manger. L'enfant ne grandit pas de la même manière que les autres garçons car, lorsqu'il atteignit ses 2 ans, il était déjà assez solide. Alors je le rendis à sa mère, bien disposée à le garder du fait de la baraka, c'est-à-dire de la bénédiction qu'il nous apportait. Je dis à sa mère, si tu laissais mon fils avec moi, jusqu'à ce qu'il devienne plus solide, cela le préserverait des épidémies de la Mecque. Celle-ci aussitôt nous autorisa à le ramener chez nous. Ainsi, le prophète Al-Islam resta chez les Bani Sarl jusqu'à l'âge de 4 ans ou 5 ans, âge auquel eut lieu la fente de sa poitrine. Fin de citation. Ce récit de Halima ne bénéficie pas de l'authentification des savants du hadith. Il ne fait cependant aucun doute que le prophète alayhi salat wa salam fut allaité chez les Bani Sa'd. Plus tard, lorsque le prophète aura reconquis la Mecque, il retrouvera cette femme et lui donnera tous les honneurs qui lui sont dus. Elle se convertira à l'islam et mourra en tant que musulmane, radiallahu tabaraka wa ta'ala anha. Nous parlerons demain, inshallah tabaraka wa ta'ala, de l'ouverture de la poitrine du messager sallallahu alayhi wa sallam. Nas'alallaha jalla wa ala an yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yarda, wa nas'aluhu jalla wa ala al-huda wa tuqa wa al-afaf wa al-ghina. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وانصرنا على القوم الكافرين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.